Chapitre 3e. Le célèbre Hattison. Tom Punch, dont la physionomie rougeaude et joviale formait un contraste parfait avec l'air grave et soucieux de ses patrons, avait contemplé la dernière partie de cette scène en philosophe. Tout cela l'amusait plutôt. Au service des divers millionnaires qu'il avait employés avant William Bolton, il avait acquis une passable dose de scepticisme. Il se rappelait encore la crise de spleen qui avait assailli l'un d'entre eux. Le pauvre homme, qui avait quelques milliers de dollars à dépenser par jour, était plongé dans un désœuvrement mortel. Il n'y avait qu'une distraction qui pût encore le charmer, c'était de casser, à l'aide d'une boule d'or massif, le goulot des bouteilles de champagne d'excellente marque qu'il faisait préalablement disposer par Tom Punch dans un ordre convenable. Dégoûté de voir perdre chaque jour aussi stupidement ce liquide français qu'il appréciait fort, Tom Punch avait quitté le service de ce misanthrope quinteux pour chercher une maison plus gaie. C'est alors qu'il était entré chez Bolton, où la présence de Miss Aurora lui faisait espérer moins d'ennui et plus de bon temps qu'ailleurs. Mais il commençait à croire qu'il s'était trompé et à trouver la maison un peu sévère. Heureusement, comme nous l'avons dit, c'était un philosophe de la bonne école. Il s'abandonnait volontiers au hasard des événements. Après avoir haussé les épaules à l'adresse de tous les milliardaires, il se hissa en sifflotant jusqu'à l'office pour boire une bouteille de claret qui le maintint en de bonnes dispositions. Pendant ce temps, dans le grand salon doré, les affaires prenaient un tour tout à fait favorable aux idées de William Bolton. L'arrivée de l'immense savant qui était l'ingénieur Hattison avait produit une profonde impression. C'est que ce n'était pas un être ordinaire que ce petit homme, toujours silencieux et de physionomie perpétuellement morose. Les inventions, perfectionnements ou applications dont il avait enrichi le domaine de l'électricité se comptaient par douzaines. Ses télégraphes, ses phonographes, ses cinématographes, ses avertisseurs étaient les plus ingénieusement construits et ceux qui étaient d'un usage plus courant dans le monde entier. Car autant il excellait à rendre pratique, en le simplifiant, un appareil auparavant coûteux et compliqué, autant il était habile dans l'art de lancer une nouvelle trouvaille et de la faire adopter par tous. D'ailleurs, il était beaucoup plus sur son terrain lorsqu'il s'agissait de réaliser, au point de vue de l'utilité, une découverte dont le principe avait été indiqué par un de ces savants d'Europe qui font de la science et qui se contentent de dégager un principe général fertile en conséquence, laissant à d'autres le soin d'en déduire les applications industrielles et commerciales. Il avait raison, au dire des Américains, puisqu'il avait réussi à conquérir une fortune de plusieurs millions de dollars, tandis que beaucoup de savants européens meurent pauvres, quelquefois même sans avoir réussi à faire connaître leur découverte à la foule. La résidence de Hattison à Zingo Park était une véritable usine d'inventions et d'idées. Sous les ordres du maître, de jeunes savants dépouillaient les revues scientifiques et les communications des académies du monde entier. Tous ces documents étaient classés, étiquetés, comparés. Nulle idée intéressante et surtout vendable ne passait inaperçue et ne demeurait inutilisée. Il n'était presque pas de semaine que de nouvelles applications ingénieuses, achetées d'ailleurs à l'avance par un puissant syndicat, ne fussent révélées au public par la voix des journaux de l'Union. Dans la vie privée, Hattison était d'une excessive sobriété. Il travaillait 17 heures par jour, se refusait toute espèce de distraction et n'avait même, disait-on, jamais fait le voyage d'Europe. Demeuré veuf de bonne heure, il concentrait toute son affection sur son fils Ned, sorti dans un rang très brillant de l'école militaire de West Point, ingénieur lui-même et déjà connu par plusieurs découvertes remarquables. Comme on le voit, l'ingénieur Hattison était bien l'homme qu'il fallait aux milliardaires pour le succès de leur gigantesque entreprise. On s'en aperçut par l'enthousiasme qui régna dès les premiers mots qu'il prononça après qu'il eût été mis au courant. « Messieurs, dit-il après une minute de réflexion, votre idée sera difficile à réaliser, mais avec des capitaux et du travail, je ne la considère pas comme d'une exécution impossible. Je veux mettre à votre disposition toutes les ressources dont la science peut disposer. » Ces paroles furent accueillies par une vaste acclamation. Hattison, au risque d'avoir les poignets broyés comme dans un étau, dut essuyer les vigoureux shake-hands de tous les membres de l'assemblée. Mais de suite, avec ce sentiment du prix du temps qui est la caractéristique des Yankees, on reprit la discussion des conditions pratiques de l'affaire. Le premier point était résolu. Ces conquérants d'un nouveau genre avaient un général digne d'eux. On s'occupa aussitôt de l'emplacement où seraient édifiés les ateliers et le laboratoire. Addison aurait volontiers offert sa propre installation, mais on réfléchit que là, plus que partout ailleurs, des indiscrétions seraient à craindre. Véritablement, la difficulté semblait impossible à résoudre. « Il nous faudrait, dit Addison, un domaine situé dans une contrée presque absolument déserte, quelques coins perdus des montagnes rocheuses, par exemple, à proximité du Pacifique. On pourrait obtenir une concession de terrain dans ces parages, dit Wilkinson. C'est inutile, s'écria Philip Sadam, le grand marchand de forêts et de terrain, gros homme rougeau qui n'avait pas encore pris la parole et dont la face, aux lèvres grasses et aux yeux écarquillés, gardait un air de naïve bonhomie. Je possède justement, dans les conditions que réclame M. Addison, un vaste territoire, d'ailleurs absolument stérile, et que j'achetais il y a quelques années d'un vieux nègre nommé Mercury. « Accepté !» s'écria l'assemblée tout d'une voix. On trouvait que le bon Phillips, qui était taciturne et passait pour avoir des idées lentes, parlait dehors quand il daignait ouvrir la bouche. Ce fut une affaire conclue. C'est à Mercury Spark qu'allait s'élever l'usine de destruction. Philip Sadam donna des renseignements complémentaires. La propriété de Mercury Spark s'étendait à l'abri des derniers contreforts des montagnes rocheuses et comprenait un cercle de petites collines de nature calcaire, que traversaient de petites rivières allant se perdre à 50 000 de là, soit la côte du Pacifique, entièrement déserte en ces parages. Les deux points furent votés par acclamation. Il fut convenu que chacun des contractants tiendrait à la disposition de William Bolton, qui en userait, au fur et à mesure des besoins, une contribution personnelle de $1 million, payable en chèque sur les premières maisons de banque de l'Union. Addison s'engagea de son côté à montrer, avant 3 mois, les bâtiments de Mercury Spark terminés et les expériences en cours d'exécution. Une ligne de chemin de fer, établie le plus économiquement possible, relierait l'établissement au railway le plus voisin. Enfin, une usine spéciale aux torpilles et aux engins sous-marins serait établie dans une anse du Pacifique. On décida d'appeler ce second arsenal Skytown, la ville étoile, en souvenir des étoiles qui constellent le drapeau de l'Union. Chaque mois, une délégation des milliardaires devait aller se rendre compte de l'état des travaux et constater le progrès des découvertes. Une allocation annuelle de $25 000 fut attribuée personnellement à l'ingénieur Addison. On se sépara dans le plus grand enthousiasme et après un échange de shake-hand chaleureux. La belle Aurora elle-même, qui avait dû boire un doigt de Porto pour faire raison à un toast patriotique de Woodwaller, fredonnait allègrement le Yankee Doodle en prenant congé de ses hôtes. Malgré ses excuses, l'ingénieur Addison fut retenu presque par force par William Bolton pour le lunch du soir. Il était urgent de régler certains détails. Mais ce n'était pas là la véritable raison. William Bolton avait d'autres projets sur l'ingénieur.